Marina, fille des îles, je t'emmènerai en Afrique, la terre de nos ancêtres communs. Une fille dans une rue de Paris, elle m'a regardé et mon sang n'a fait qu'un tour. Depuis ce jour-là, elle envoûte mes nuits. Ma vie sans elle n'a plus de sens. J'ai rencontré Marina dans la rue de Rivoli. Elle m'a envoûté et mon sang n'a fait qu'un tour. Depuis ce jour-là, je n'endors plus la nuit. Mais comment faire pour la conquérir? Chercher